Dossier 2. Leçon 2. Avis de recherche. Activité 5. 1. Les mots-clés pour ce job sont dynamisme, énergie, sens des responsabilités. Pour travailler avec les jeunes, les qualités relationnelles sont indispensables. Il faut un bon contact et pouvoir gérer les conflits avec une autorité naturelle. Il faut aussi aimer les voyages et les activités de plein air. Enfin, la capacité à travailler en équipe est primordiale. 2. Pour ce poste, il faut savoir travailler en équipe, mais aussi être autonome et responsable. Il faut posséder une bonne capacité d'organisation, être rigoureux et avoir le sens du détail. Mais attention, la réactivité et le respect des délais sont très importants. Et bien sûr, il faut être avant tout créatif et passionné par les arts numériques.